Jacob le Juste, à Jérusalem. De Saint Jacques, Simon, et Jude, frères. Adias 1564. Jacques le Mineur, fils d'Alphée et de Marie de Cléophas, qui fut le premier évêque de Jérusalem, appartenait aux Esséniens. Ce quatrième enfant de Marie de Cléophas était beau et ressemblait beaucoup à Jésus. C'était pour cela qu'on lui donnait plus ordinairement qu'à ses frères, le nom de frère du Seigneur. Il était plus jeune que Jésus. À l'époque du crucifiement, il avait environ 25 ans. Jésus leur donna aujourd'hui tous les enseignements qui se trouvent dans l'Évangile touchant leur mission. Il ne leur annonça encore aucun danger qu'ils eussent à courir, il dit seulement. Aujourd'hui vous serez les bienvenus partout, mais il viendra un temps où l'on vous persécutera. Ils s'agenouillèrent en cercle autour de lui. Il pria et leur mit les mains sur la tête. Quant aux disciples, il se borna à les bénir. Ensuite ils s'embrassèrent et se séparèrent. Il leur avait indiqué des directions et assigné un temps où ils auraient à se rapprocher de lui. Les disciples devaient alors se remplacer tour à tour près de lui et près des apôtres et porter des messages des uns aux autres. Les six apôtres qui l'accompagnèrent furent Pierre, Jacques le Mineur, Jean, Philippe, Thomas et Judas, en plus des 12 disciples, dont étaient les trois frères Jacques, Sadoc, et Éliachim fils de Marie d'Élie, Manahem, Nathanaël le petit Cléophas et plusieurs autres des plus jeunes. Les six autres apôtres avaient avec eux 18 disciples, dont José Barsaba, Jude Barsaba, Saturnin, et Nathanaël Cazide. Nathanaël, le fiancé de Cana, n'alla pas avec eux, il était chargé d'autres affaires pour la communauté et il exerçait son action dans un cercle plus rapproché de lui comme Lazare. Après sa résurrection, Jésus parla en particulier aux apôtres de beaucoup de choses qui devaient arriver après qu'il serait retourné à son Père. Il dit à Pierre qu'il aurait beaucoup à souffrir, toutefois il ne devait pas s'effrayer, persévérer fidèlement et rester à la tête de la communauté qui était destinée à prendre des accroissements merveilleux. Il devait rester 3 ans à Jérusalem avec Jean et Jacques le Mineur pour y gouverner l'Église. Jacques le Mineur fut martyrisé plusieurs années après Jacques le Majeur, fils de Zébédée. Il fut traîné 7 jours de suite devant le tribunal et on l'accabla de mauvais traitements. Après avoir été précipité du haut du temple, il fut encore lapidé et achevé à coups de bâton. Fin de la vision démoniaque. Siméon surnommé le Cananéen, c'est-à-dire de Cana, Jude surnommé Thaddée, Jacob, c'est-à-dire Jacques le Mineur, que tous ont appelé le frère du Seigneur, furent 3 frères, natifs de la ville de Cana en Galilée, fils d'Alphée et de Marie, fille de Cléophas. Ces 3 fils d'Alphée et Marie de Cléophas furent reçus de Jésus-Christ et depuis exaltés à la grandeur d'apôtre. Jacob, le plus jeune d'eux, fut grandement aimé de Jésus-Christ, et lui, aimait son maître de telle affection que quand il fut crucifié, ne voulut pas goûter de viande, jusqu'à ce qu'il l'eût vu ressuscité. Ce qui se souvenait lui avoir été prédit, et à ses frères semblablement, par Jésus-Christ. Il apparut premièrement à lui, à Marie Magdeleine et Céphas, afin de confirmer son disciple en la foi, et de peur qu'il jeûne trop longtemps, il l'incita à manger le rayon de miel qu'il lui présenta. C'est lui qui, après que Jésus-Christ fut monté au ciel, demeura avec Céphas et Jean à Jérusalem, annonçant aux Juifs la parole de notre Seigneur, comme il pouvait faire aisément, d'autant qu'il avait une charge publique au temple de Salomon. Or environ 14 ans après la passion de notre Seigneur, Paul avec Barnabé et Tite, qui lui avaient tenu compagnie en ses voyages, le vint voir, puis allèrent suivre Jacob, Céphas et Jean. Et le jour après Pessa, les apôtres s'assemblèrent tous à Jérusalem où Jacob présidait en présence du peuple. Chacun d'eux fit un bref récit de ce qu'ils avaient fait chacun en sa province. Auquel temps Caïphe, grand sacrificateur, envoya les priés de venir vers lui afin de prouver par eux comme Jésus est le Christ du Dieu éternel, ou de montrer par lui qu'il ne l'est pas. Au jour ordonné, Les apôtres montèrent au temple et devant tout le peuple, commencèrent à rendre témoignage de Jésus-Christ et reprendre les Juifs de beaucoup de choses qu'ils commettaient iniquement. Étant sur les marches de temple, le peuple leur donna audience. Ils firent exhortation au sacrificateur, un seul Dieu en Jésus-Christ, aux Sadducéens, de la résurrection des morts, aux Samaritains, de la consécration de Jérusalem, aux scribes et pharisiens, du royaume de Dieu, et à tout le peuple, qu'il est éternellement le Messie. Enfin, avant qu'ils partent aller annoncer aux païens la connaissance de Dieu le Père, ils les admonestèrent de se réconcilier à Dieu en recevant son Fils. Et leur montrèrent qu'ils ne pouvaient être sauvés sinon que par la grâce du Saint-Esprit et invocation de la Trinité. Ils devaient se faire baptiser et recevoir la communion, par le pain et l'eau, de Jésus-Christ, auquel ils devaient croire de ce qu'il avait enseigné, afin que par ce moyen ils puissent acquérir le salut éternel. Or quand ils eurent par l'espace de 7 jours persuadé au peuple, et au grand sacrificateur, de se faire incontinent baptiser, advint que, comme ils venaient pour recevoir baptême, un homme ennemi avec peu de gens entrèrent au temple, et se mit à crier et dire « Que voulez-vous faire, homme israélite? Pourquoi vous laissez-vous si aisément abuser? Comment êtes-vous si étourdi de vous laisser ainsi mener par ces hommes malheureux et déçus par un magicien ?» Mais quoi qu'il dit, voyant qu'on ne cessait pas d'écouter Jacob qui prêchait, il commença à émouvoir le peuple et exciter des séditions, tellement qu'on ne pouvait plus entendre ce que l'apôtre disait. Il incita la commune par des clameurs, délaissant ce qui avait été commencé tant bien et avec grand labeur. Il reprenait les sacrificateurs, s'acharnait avec injures et reproches aux uns, puis aux autres, et comme furieux incitait un chacun à tuer les apôtres, disant « Que faites-vous? Pourquoi cessez-vous croire et paresseux? Que n'envahissez-vous de vos mains tous ces hommes et ne les mettez en pièce ?» Après qu'il eut dit cela, il prit un tison de l'autel, et le premier commença le meurtre. Le voyant faire, les autres furent incontinent esprit de même furie. On entendait des cris de toutes parts, tant de ceux qui étaient frappés que de ceux qui frappaient. Le sang coula partout, l'un fuyait de ça, l'autre de là, et cependant c'est l'ennemi qui mit la main sur Jacob et le précipita du haut des marches. Et pensant qu'il était mort, le laissa en bas. En ce conflit, l'apôtre fut tellement blessé à un pied, qu'il en resta boiteux. Il est tout manifeste qu'il est celui lequel notre Seigneur appela au ministère d'apôtre. Après que Paul fut envoyé à l'empereur par Feste, gouverneur de la province, de la sentence duquel il était appelant, les Juifs connaissant donc que les embûches qu'ils avaient dressées avaient été découvertes, voulurent se venger sur Jacob, frère de notre Seigneur. À quoi ils procédèrent par ce moyen? L'ayant amené au milieu du peuple, voulurent lui faire renoncer à la foi de Jésus devant tous. Mais lui, autrement qu'il n'espérait, avec un parler franc et libre, trop qu'il ne désirait en la présence de tout le peuple, avec une grande assurance, dit « Notre Sauveur et Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu. » Eux qui ne pouvaient endurer le témoignage si libre d'un tel homme, considérant même qu'il était estimé de tous très juste pour les mérites de sa glorieuse et continente vie, se délibérèrent de le faire mourir, trouvèrent moyen de gagner plusieurs autres compagnons de leur méchanceté, comme il leur fut aisé de faire à l'occasion de temps et de la mort du gouverneur. Car chacun savait que Feste était mort et que dès lors la province était sans gouverneur. De la mort de Jacob, Clément et autres ont écrit, mais Gésippe, par-dessus tous certains et assurés, fut des premiers entre les successeurs des apôtres, au 5e livre de ses commentaires, qui use de ces mots. Saint Jacques, qui fut appelé frère de notre Seigneur, et de tous surnommé le Juste, prit, des apôtres, la charge de l'Église et la gouvernant depuis le temps de la Passion du Seigneur jusqu'à nous. Et plusieurs ont porté le nom de Jacques, mais celui-ci fut saint dès le ventre de sa mère. Il ne but jamais de vin, ni breuvage composé, Il ne mangea en aucun temps de la chair des animaux. Jamais fer ne toucha à sa tête, jamais il ne fut oint d'huile, et jamais n'usa des bains ou étuves. À lui seul était permis d'entrer au lieu secret du temple appelé sanctuaire. Il n'usait pas d'habits de laine mais de lin seulement. Seul entrait au temple, et s'asseyant sur ses genoux, priait Dieu pour obtenir pardon pour le peuple. Tellement qu'en priant, étant toujours à genoux, ses genoux s'étaient endurcis comme ceux des chameaux, et ne cessaient jamais de prier. Par quoi pour cette totale continence, et équité admirable, il fut appelé le juste et rempart du peuple. Quelques-uns donc de ceux qui suivaient l'une des sept hérésies, c'est-à-dire les sept sectes, qui pour lors étaient parmi le peuple, desquels avons parlé ci-devant, lui demandèrent ce qu'était la porte de Dieu, auquel il répondit que c'était le Sauveur. Et dehors une partie de ceux qui étaient présents prirent la foi. Mais ceux qui suivaient ces sept hérésies ne crurent jamais, ni que Jésus-Christ fût ressuscité, ni qu'il dût venir pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et tous ceux qui crurent, crurent par le moyen de Jacob, du nombre desquels étaient plusieurs grands seigneurs. Il advint un grand trouble, parmi les Juifs qui disaient, « Peu s'en faut que tout le peuple ne croit que Jésus est le Christ. » Venant donc à Jacob, lui disaient, « Nous vous prions de retirer ce monde qui tombe en erreur, pensant que Jésus soit le Messie. Et vous supplions qu'au jour de Pessa leur remontriez ce qui en est. Au reste, tant nous que le peuple, sommes d'accord avec vous, et confessons bien que vous êtes justes et n'avez exception de personne. Et si vous voulez retirer ces hommes de l'opinion qu'ils ont de Jésus, nous ferons tout ce que vous voudrez. Pour ce, montez aux hautes galeries du temple, afin que là chacun puisse vous voir et entendre. Car au jour de Pessa il viendra beaucoup de peuples, non seulement des Juifs mais aussi des païens. » Après que les scribes et pharisiens eurent mené Jacob au haut du temple, ils lui demandèrent à haute voix. « Homme très juste auquel nous devons porter honneur et révérence, parce que le peuple tombe en erreur touchant Jésus qui a été crucifié. Dites-nous s'il vous plaît, quelle est la porte du Seigneur ?» Jacob, parlant le plus haut qu'il pouvait, leur répondit. « Pourquoi m'interrogez-vous du Fils de l'homme ? C'est celui qui sied à côté dextre de la souveraine puissance, qui viendra lui-même dans les nues du ciel. » De cette réponse et témoignage de Jacob, plusieurs se réjouirent et l'entendent volontiers ainsi parler du Christ de sorte qu'ils commencèrent à glorifier Dieu et dire « Sauve-nous fils de David !» Alors de rechef les scribes et les pharisiens dirent les uns aux autres « Nous avons mal besogné de lui avoir permis de porter tel témoignage de Jésus. Montons là-haut et jetons-le en bas, afin que les autres soient intimidés et qu'ils ne croient pas. » Et soudainement se prirent à crier ensemble. « Oh le juste a failli !» En ce s'accomplir l'Écriture, qui est en Ésaïe qui dit « Chassons de nous le juste, parce qu'il ne nous profite en rien. Pourtant ils mangeront le fruit de leurs œuvres. » Étant donc monté, le précipite en bas. Mais voyant qu'il n'était pas encore mort, dirent entre eux. Il faut le lapider. Et prenant des pierres, les jetèrent sur lui. Lequel, se jetant à genoux, fit cette prière. Je te prie Seigneur Dieu. Pardonne-leur cette offense, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant qu'il parlait ainsi, le poursuivirent à coups de pierre. Un des sacrificateurs de la famille des Récabites, desquels parle le prophète Jérémie, s'écria. Cessez je vous prie. Que faites-vous? Cet homme juste que vous lapidez prie Dieu pour vous. Comme il disait cela, un de la troupe qui était foulon de son métier, tenant en main un gros bâton dont on foule les draps, le rompit sur la tête de l'apôtre. Voici comment Jacob le juste fut martyrisé, et fut enseveli au même lieu près du temple. C'est lui qui a porté témoignage de vérité, aux Juifs et aux païens, que Jésus est le Messie fils du Dieu vivant, lequel avec le Père et Saint-Esprit, règne et domine à jamais.